RBS 91.9 FM à Strasbourg. Et on accueille Diffracto. Salut Diffracto. Salut. Ça va ? Oui, ça va très bien. Tu as passé de bonnes fêtes de Noël ? C'était parfait. Tu as bien mangé, bien bu ? J'ai trop mangé, trop bu. Un peu comme tout le monde. Alors Diffracto, tu t'appelles François, donc alias Diffracto. Est-ce que tu peux présenter un petit peu qui est Diffracto ? Alors Diffracto, c'est moi quand je fais de la musique. Quand je fais de la musique électronique surtout, et du coup c'est un projet que j'ai monté il y a quelques années maintenant, qui me suit depuis très longtemps, mais je l'ai vraiment monté, on va dire sérieusement, il y a un ou deux ans, et pour la sortie de mon premier EP. Depuis j'ai fait quelques concerts, j'ai sorti mon EP, j'ai fait quelques concerts, et puis je continue à faire ça, je continue sur cette lancée concert, et puis d'ici quelques temps sortie de nouveaux titres, etc. Ça marche. On va passer à une petite rubrique dans cette interview où en fait tu vas piocher des petits papiers devant une boîte que tu as devant toi, répondre à ces questions et tu as le droit à un joker. Donc s'il y a une réponse, une question à laquelle tu ne veux pas répondre, tu as le droit d'utiliser un joker. Première question, c'est parti. Alors je prends le papier dans la boîte, je l'ouvre, et du coup là je lis la question. Sur un coup de tête, vous prenez des billets d'avion pour aller où ? En fait, avec ma copine, on a envie de partir aux Philippines. Du coup, ça serait cette destination-là que je prendrais, les Philippines, parce que depuis qu'on a eu cette idée-là, je regarde beaucoup de choses là-dessus, et puis ça me donne de plus en plus envie d'y aller. Donc, ça serait les Philippines. Pour un voyage de combien de temps ? De toujours. D'un an et demi. Ah oui, donc un gros voyage, quoi. Non, ça serait un voyage, je sais pas, pour être, on va dire. Pour pouvoir continuer à avoir une vie, trois semaines à moi, c'est bien. Trois semaines à moi, peut-être un peu plus. Dans l'idéal, un peu plus. Des grosses vacances, quoi. Des grosses vacances, ouais. Ok, ça marche. Voilà. Papier suivant. Il y a beaucoup de papiers. Oui, il y a beaucoup de papiers. Pas de portable pendant 24 heures, c'est possible pour vous? C'est une question super méga intéressante parce qu'en ce moment, je me la pose beaucoup. Enfin, je me la pose, disons que je sens que c'est nocif pour moi. Et du coup, je sais pas si c'est possible pour moi, mais en tout cas, ça serait très bien que je m'y attelle, que je le fasse, que je teste. D'ailleurs, je pense que grâce à ce papier, je vais peut-être l'organiser dans ma vie. Voilà. T'es très souvent sur ton portable ? Très très souvent, trop souvent. Ouais. Pour le boulot, perso, pour tout ? Pour beaucoup de choses. J'ai l'excuse du boulot, j'ai l'excuse de la page Facebook de Diffracto et d'autres pages, mais en vrai, de vrai, je pourrais y aller beaucoup moins. Ok. Voilà. Autre petit papier, autre question. Alors. Souvenir de commentaires positifs ou négatifs de profs d'école, collège, lycée. De commentaires à mon propos ? Ouais, là c'est les dossiers, tu peux tout balancer. Tout Strasbourg t'écoute. Et hâte de savoir. Alors du coup, est-ce que je dise mon joker ou pas ? C'est ça la question. positif ou négatif ? Commentaire. Là, il faut que du coup je cherche dans ma mémoire. Vu que j'ai une mémoire un peu nulle, ça met un peu de temps à démarrer, donc je vais peut-être un peu mettre du temps à répondre. Genre, t'étais un cancre ou non ? Non, j'étais plutôt. Je me souviens de mon prof de maths un jour qui m'a dit que j'aimais bien et tout, mais il m'a sorti François se repose sur ses lauriers. Alors que j'étais pas très bon de la base, mais il m'a quand même dit ça. Du coup, ça m'a un peu marqué cette remarque. Voilà. Tu te reposais sur tes lauriers ? Je me reposais sur mes lauriers, ouais. C'est une de nos remarques qui m'a bien marqué. Après, il y a eu pas mal de remarques négatives, surtout de ma prof d'anglais au lycée, avec qui je m'entendais pas du tout et avec qui ça clashait beaucoup, mais des remarques précises, non. Diffracto n'était pas très anglais à l'école. Diffracto aimerait beaucoup parler anglais, mais Diffracto ne sait pas parler anglais. Il se débrouille, mais il a un peu de mal. Mais il aimerait y remédier aussi. Ouais. Beaucoup de bonnes résolutions du coup pour 2018, j'ai l'impression. Trop. Je vais essayer de délaguer un peu cette liste un peu trop conséquente. Hein. Ok, question suivante, papier suivant. Ah, il y en a deux. Alors, votre dessin animé d'enfance préféré. J'ai pas beaucoup regardé de la télé, enfin vraiment très peu quand j'étais petit. Du coup, qu'est-ce que j'aimais beaucoup quand j'étais petit ? Si, les Tex Avery. Ah oui. Les Tex Avery avec Droopy et tout. Ça j'aimais bien, je trouvais ça drôle. Et puis c'était vraiment, pour le coup, old school. Enfin, c'était les premiers dessins animés. Mmh. Et puis, ouais, c'était très drôle avec... c'est quoi la phrase de Droopy ? I'm happy, un truc comme ça. Bref, ça, c'était mes dessins animés préférés. Voilà. Ça marche. Question suivante. Autre petit papier. Ménélo Ménéla, c'est une question qui se pose même pas, quoi. On est où, là? On est à Mulhouse ou on est à Strasbourg? Bah, Ménéla, évidemment. Hein, voilà. D'ailleurs, il y en a ici? Ah non, il n'y en a pas. Ah, je devrais en mettre avec cette question. C'est vrai, un petit... J'y penserai pour la prochaine fois. Si vous deviez résumer votre vie avec une musique, ça serait quoi? Waouh, c'est une question énorme. Avec une musique? Ouais. C'est-à-dire quoi? C'est ma musique préférée, ma musique universelle que j'aime de tout. La musique qui pourrait représenter ta vie, ouais. Alors, je sais pas si c'est le morceau que tu écouterais le plus, mais je sais pas qui, dans les paroles, dans le rythme, la musique qui pourrait représenter un petit peu ta vie. Je suis très instrumental, j'écoute pas trop les paroles. Donc, c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est l'instru, c'est les harmonies, c'est la mélodie. Mais du coup, une musique qui représenterait ma vie, c'est une grosse question. Tu as ton joker si tu veux. Ouais, mais non, mais je peux pas. Ce serait dommage. Pour ça, parce que ce serait dommage. Tu sais pas ce qu'il y a. Ouais, c'est exactement ça, j'ai un petit peu peur. J'appréhende légèrement, j'ai un peu de sueur froide là. Quelque chose qui m'a marqué un peu à vie. Je pense que ça serait une musique de Bonobo. Je sais pas pourquoi. Ok. Bonobo, il résume bien les sentiments et tout. Dans ses musiques, c'est bon, ça fait voyager, mais c'est vraiment, pour moi, c'est un parcours un peu. Ce serait peut-être carrément un album de Bonobo, je dirais, parce que c'est pas tout le temps la même mélodie, la vie. Ça change parfois en fonction des humeurs et des événements, mais ouais, Bonobo, ça serait, je dirais, un artiste qui résumerait. Ok. Qui saurait bien résumer ma vie, ça serait ça, parce que bon, je l'ai beaucoup écouté aussi, et c'est un mec qui m'inspire pas mal aussi, toujours. Donc voilà, une musique de Bonobo. Ça marche. Autre petit papier, autre question. Il ne reste plus que 54. Quelle est la première chose que vous faites quand vous vous réveillez? Ben malheureusement, je regarde mon téléphone. On en revient au sujet tout à l'heure, le portable. C'est le même sujet. Ouais, je regarde mon téléphone avec la tête bien enfoncée dans l'oreiller. Et puis je regarde mes notifications, je regarde mes messages. Voilà, c'est ce que je fais. Alors du coup, si tu avais 24 heures sur ton portable, tu ferais quoi Directement en me levant? Ouais. Eh ben je pense que ce sera moins. Je pense que j'irai me doucher, en fait, tout simplement. Je me lèverai, j'irai me doucher. Mais puis ça dépend, en fait. Ça dépend si je suis avec ma copine ou pas, au final. Mm. Mais en général, c'est le week-end ou pas. C'est le week-end ou pas, ouais. Etc. Mais en général, c'est quand même le portable qui prime. Qui prime au réveil. Voilà. Autre petite question, autre petit papier pour Distracto. Avec qui aimeriez-vous le plus collaborer? Ouais. Pas un artiste qui m'inspire, je pense. D'accord. Non, pas dans le sens où... je pense déjà pas quelqu'un qui fait de l'électro. Ouais. Pour varier un petit peu. Un artiste, j'ai tous les choix du monde, je peux prendre n'importe qui. Tu peux prendre qui tu veux. Qui je veux, ok, cool. On sait jamais, peut-être que ça va écouter en plus. Ouais, c'est vrai ça. ce serait cool. Eh bien, si tu m'entends, mais pour l'instant, j'ai pas d'idée. Mais avec quelqu'un en tout cas qui fait un instrument acoustique, un instrument qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre aussi en musique électronique, qui n'a pas trop l'habitude d'être traité. Il y a pas longtemps, je suis passé dans la rue, il y a quelqu'un qui jouait du didgeridoo, je lui ai pris un CD, je lui ai demandé si je pouvais utiliser ses samples. Ah ouais. Et puis il m'a dit qu'il y avait pas de souci et qu'il aimerait bien que je lui envoie ce que j'ai fait. Donc ça serait un instrument de ce style. Pour mixer un petit peu du coup les genres, un peu les styles dans la musique. Pour avoir des ouais, des textures sonores qu'on n'a pas, enfin qui. Un petit peu différentes quoi, dans les sons. Ouais, qui sont différentes et puis. Qui ont déjà qui sont joués par quelqu'un qui connaît vraiment son instrument. Son instrument, ouais. Voilà. Ça donc marche. Le didgeridoo, ouais, là pour le coup, j'ai le CD à la maison d'ailleurs et il faudrait que je l'utilise. Il faudrait que je m'y mette là-dessus. Est-ce que tu te rappelles du coup le nom de cet artiste? Eh bien non. C'était à Strasbourg. C'était à Grand Rue. Ok. Mais non, je me rappelle pas de son nom. C'est un peu nul, mais voilà. Autre question, autre petit papier. Les pâtes carbonara avec ou sans crème fraîche? Bah avec, sinon c'est pas des pâtes carbo. Ceux qui répondent me regardent pas pour que je valide. Je sais pas, hein. Peut-être que t'as la réponse, la vraie réponse. Bah je sais pas, c'est vrai que c'est un petit peu un débat, hein, avec ou sans crème fraîche. Alors je sais pas toi, comment tu manges tes carbos avec ou sans crème fraîche? Bah avec, plutôt. Plutôt avec. Plutôt avec. Ça marche. Dernière question, attention, pioche bien. Il y en a encore deux, je crois. Il y en a encore plusieurs, ouais. Ce sera la dernière, vas-y. Ah, ce sera la dernière. Ouais. La personne que vous admirez le plus. Wow, c'est une énorme question. musicalement, du coup, la personne que j'admire le plus. C'est des gens qui ont pris des risques et pour qui ça fonctionne plutôt bien. De manière générale, j'ai pas de nom en particulier, mais c'est les gens qui sont pas dans le mainstream, mais qui savent rajouter leur patte à eux, tout en explorant des univers un peu inexplorés, des musiques qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre et tout, et qui se lancent là-dedans, même s'ils prennent le risque que ça plaise pas plus grand monde, ils le font, et ça, je trouve ça vraiment cool. Il y a un mec que pas mal de gens connaissent qui m'inspire beaucoup, c'est Flume, qui fait moite-moite un peu entre guillemets. C'est que il a des musiques très très populaires, mais des musiques aussi où il prend des risques, où c'est vraiment des musiques expérimentales. Et son dernier album Skin, il y en a certaines, dont Free par exemple, qui est une musique où il a tenté quelque chose et ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas c'est tout nouveau, c'est la première fois que j'entendais ça et ça m'a un petit peu ça m'a vraiment surpris, agréablement surpris quoi. Voilà. Merci Diffracto pour les petites réponses à ces questions. Tu n'as même pas utilisé de joker. Exactement. Bravo, ouais, je suis fier de toi. Moi, je suis fier de moi. On continue dans les questions. Thomas Schoeffler, qui était mon invité d'hier, a une question pour toi. On écoute. Diffracto, tu pourrais lui demander. Écoute, je ne sais pas. Je ne sais, quel est son secret beauté pour avoir un teint si rose et, et pour avoir l'air si en forme un mardi matin à 10h. Alors, quel est ton secret beauté, Diffracto? Je me shampooine avec du. Mon secret beauté, c'est quoi cette question? Fais pas malin, parce qu'après tu vas devoir poser une question pour l'invité de demain. C'est vrai, j'avoue. Tu vas moins rigoler. Il m'a vu ou pas? Il a vu une photo de moi? Parce que... Non. Ah, d'accord, oui, ok. Parce qu'il y a une photo que Bartosz Salmonski a prise, où je suis très rose ou même très rouge. C'est pour ça. C'est qui pense à cette photo-là? Qu'est-ce que mon secret beauté? Bah, je. En fait, j'ai. Ouais, je. Je prends une douche, c'est ça mon secret beauté. C'est un sacré secret. C'est quelque chose, j'ai pas l'habitude de le dire, d'en parler, mais voilà, je me lance. Diffracto voilà. Se douche, c'est bien. C'est bien, voilà. Alors du coup, à toi de poser une question pour l'invité de demain. Demain, je reçois Vivien, le boss de Poca. Qu'est-ce que tu aimerais lui demander à Vivien? Alors, je vois beaucoup, beaucoup de choses passer sur Facebook. Ouais. Qu'est-ce que j'aimerais lui demander à Vivien? Tu peux te lâcher. Tu seras obligé de répondre comme ça. Tu as été obligé de répondre à ton secret beauté. Okay. Alors, on s'est jamais rencontrés, mais je vais essayer de poser la question, une question un peu comme celle que Thomas Schoeffler Junior m'a posée. Dans ce style-là, bah, tiens, au coucher, est-ce qu'il dort plutôt à droite ou à gauche du lit? Ok. Voilà. Bah écoute, on lui demandera demain, tu pourras écouter si tu veux du coup connaître la réponse. J'écouterai ça attentivement. Diffracto, tu te vois où dans 10 ans? Je me suis jamais posé, enfin rarement posé cette question, donc c'est l'occasion d'y réfléchir déjà. Je te fais beaucoup réfléchir là. Hein. Ouais, c'est dur le matin. C'est dément. À 10h du matin. Dans 10 ans. J'aurai quel âge? J'aurai 36 ans. Là, à ce moment-là précis ou globalement dans ma vie? Ah bah là, si tu veux, le 9 janvier. Non, globalement dans ta vie, bah, ouais. J'aimerais bien que mes projets musicaux fonctionne bien, que j'arrive à en vivre, que j'arrive à avoir un maximum d'expérience. J'aimerais bien d'ici là faire sortir des nouvelles choses. Bon, dans 10 ans, c'est beaucoup quand même. Il peut se passer énormément de trucs en 10 ans. Hein. Dans mes 10 ans, c'est 36 ans, c'est vraiment, ouais. C'est des fois. J'ai pas envie. Ouais, tout simplement être heureux. Oh. Voilà, j'aimerais bien. C'est beau. En 10 ans, ouais, c'est ça en fait, d'avoir réussi à faire ce dont j'avais envie. Tu veux continuer vraiment dans la musique? J'aimerais bien tenter, ouais. J'aimerais bien tenter l'expérience. Après, dans 10 ans, si a priori, ça sera peut-être plus Diffracto, ça sera peut-être d'autres choses, ou peut-être que Diffracto sera en stand-by, ou peut-être qu'au contraire, ça sera que ça. Mmh. Ça sera, ouais, j'aimerais bien d'ici 10 ans avoir transformé éventuellement Diffracto en groupe. J'aime d'accord, en groupe, ouais. Musicien et puis que Diffracto devienne ça pourrait être excellent parce que c'est au final ce que j'adore, jouer avec des gens. Au départ, je suis musicien de groupe, quoi, et j'adore ça. Donc ça serait un bon objectif pour dans 10 ans. 10 ans, c'est encore loin, mais voilà, ça fait partie des choses. On va passer au petit instant promo. Quelles sont tes actus en ce moment? Concerts, enregistrements studio, sorties disques, clips, tout ce que tu as, dis-nous tout. Alors du coup, eh bien, je vais commencer par la date de concert la plus proche. Je joue à la Culture jeudi, jeudi soir, pour la soirée de soutien à FIP Strasbourg. Ouais. Donc il y aura, ça sera une soirée, voilà, qui commencera à 18h pour un apéro. Et ensuite, ça sera des DJ, et puis voilà, je ferai partie du spectacle, et ça se terminera à 4h du matin. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous regardez sur ma page Facebook, et puis je crois que c'est le dernier événement que j'ai partagé, vous faites un tour dessus, et puis vous verrez, ça va être vraiment très très chouette, et puis c'est une soirée, donc, entrée prix libre, et tout ce qui est, voilà, tout l'argent récolté, ce sera pour ce soutien à l'antenne FIP Strasbourg. Ok. Voilà. Ensuite, la date d'après, ça sera le 3 février au Noumatrouf pour les auditions des Inouïs du Printemps de Bourges. Donc ça, c'est... Grosse pression. Donc c'est encore un petit peu loin, et encore, ça se rapproche vraiment... Bah, c'est dans moins d'un mois. C'est dans moins d'un mois. Je vais pas te stresser, mais... Ouais. Bah, tu me stresses. Bravo. Non, mais c'est... Voilà, c'est le... C'est la deuxième date, c'est... J'ai hâte d'y être parce que je pense que ça va être vraiment chouette. Enfin, il y a d'autres groupes aussi, Claire Faravarjo, il y a Freeze, et il y en a deux autres dont je me souviens plus des noms, mais voilà, il y aura vraiment du beau monde. J'ai vraiment hâte d'y être. Et du coup, la date d'après, ce sera le 29 mars au Club Lettri en première partie de Chloé. Donc pareil, ça va être un sacré truc, j'ai trop hâte d'y être aussi. Et puis d'ici là, il y aura sûrement d'autres choses qui vont tomber, une vidéo live de mon live à l'espace Django du 1er juin dernier, ouais, qui va sortir, d'ici, a priori avant le mois de février. Okay. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, un peu du contenu visuel. J'ai hâte de le sortir parce que disons que c'est un live qui m'avait bien plu, il y avait des gens, c'était une de mes premières grosses scènes, voilà, donc j'ai hâte de le voir sur internet, et voilà. Et puis sinon, d'ici là, je pense qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Un disque prévu je sais pas combien de titres, j'aimerais bien sortir un titre ou deux d'ici le mois de mars ou avril. J'aimerais bien sortir un EP ou plus, même un album d'ici septembre prochain. D'accord. C'est des choses que j'ai que je pense réalisables, mais qu'il faut que je mette en place. Et puis d'autres petites choses qui sont en préparation, mais que je peux pas parler parce que c'est, rien n'est officiel, et que voilà, tout peut arriver. Voilà. Regardez la suspense et la surprise. Exactement. Pour les auditeurs. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et dont tu aurais aimé parler, Diffracto? Eh bien, qu'est-ce que Hein, moi je sais pas, il faut non, il y a pas de, on a parlé de tout, on a parlé de, ouais, moi, pour moi, il y a rien à ajouter, en fait. On a fait le tour de la question, ouais, des questions. Ça marche. Je t'ai demandé de choisir un morceau. Est-ce que tu peux le présenter en quelques mots, puis on l'écoutera juste après? Alors, en fait, c'est un morceau de Electric Mantis, Donc c'est un artiste que j'ai découvert il y a un certain temps, mais qui a sorti cette musique il y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Lying and Loving. Donc c'est un mec qui vient d'Alaska, qui a 24 ans et qui fait du son qui envoie vraiment du lourd et qui m'inspire bien. C'est le sound design de cette musique qui est complètement dingue. Et voilà, je vous laisse l'écouter du coup. On écoute, merci beaucoup Diffracto, à bientôt. Merci, à bientôt. Oh, you think it really clever, no, you just let me down. You don't have to hide it, cause you know what I just found out. Now you want me to forget. Lied to my face, now you say that it don't mean anything anyway. If lying is loving, then I guess you love me. After all that you have done, no.